un père. C'est Oli. O-L-I. Oui. La Bible des petits. Je suis pas petit. Je suis grand. Bonjour, je suis Colas Gutmann et je vais vous raconter l'histoire de Jean Bébé. Jean Bébé était un beau bébé, mais son prénom ne faisait pas l'unanimité. Sa maman était pourtant fière de sa trouvaille. Jean, c'est trop court, Jean-Claude, c'est trop moche, Jean Bébé, c'est bien. Son papa aurait préféré Jean Gontran, mais devant la grimace de son garagiste, il avait fait machine arrière. Le jour de l'inscription à l'état civil, l'agent lui ne fit pas de détails. Il nota sur une page aussi blanche qu'était la vie de Jean Bébé, nom René, prénom Jean Bébé, et il ajouta en bas de page 4,5 kg, en voilà un beau bébé. À peine sorti de la maternité, ses parents adoraient l'appeler pour un rien, car il mettait beaucoup d'amour à prononcer son prénom pour un oui ou pour un non. Jean Bébé, mange ta bouillie. Jean Bébé, ne mets pas tes doigts dans la prise. Jean Bébé, viens prendre ton bain. Jean Bébé, lâche cette cigarette. Jean Bébé, recrache-la. À l'âge de 2 ans, une amie de la famille, une certaine Laurette n'a qu'un œil, chagrina quelque peu ses parents. En réalité, Laurette n'a qu'un œil voyait très bien, mais elle avait toujours une mèche qui lui cachait la moitié du visage. Quoi qu'il en soit, Laurette n'a qu'un œil n'eut qu'une parole. « Ce petit aura bien du souci avec un prénom pareil. » Le papa se dégagea du mauvais sort en s'adressant directement à son fils. « Jean Bébé, tu garderas ton joli prénom qu'ont choisi tes gentils parents. Eh bien, je lui souhaite bien du courage à votre beau bébé. J'ai connu un Gustave Patrick, il n'est pas allé bien loin. » Laurette n'a qu'un œil disparut de la vue de Jean Bébé et ajouta qu'elle ne remettrait plus les pieds dans cette famille tordue. « Bon débarras, fit la maman. » Mais Jean Bébé sentait un pincement au cœur, une boule dans la gorge et il avait des larmes au bord des yeux. « Merci, mes parents chéris, de m'avoir choisi un prénom si pourri. » Voilà ce qu'il se disait. Lors de son 7e anniversaire, une dame de passage, qui ne connaissait Jean Bébé que de nom, lui offrit un bavoir. « Jean Bébé, viens souffler tes bougies, » lança la maman. « Certainement pas, » répondit Jean Bébé. « Mais enfin, que t'arrive-t-il ? Il m'arrive que je veux changer de prénom. » « Mais mon bébé, tu ne peux pas dire ça, nous l'avons choisi avec amour. »« Eh bien, dans ce cas, l'amour, c'est moche. » Il entendit son papa avouer. « On aurait dû l'appeler Jean-Claude. » Mais trop tard. Le lendemain de son anniversaire, Jean-Bébé irait à l'école et il en était sûr, il serait la risée de sa classe. Le lendemain, la maîtresse fit l'appel et buta sur son prénom. « Jean-Bébé ?» Les 24 têtes blondes, brunes, rousses et frisées éclatèrent de rire. Mais Jean-Bébé rectifia immédiatement. « Pas Jean-Bébé, madame, mais Baby John. C'est de l'anglais. » Les 24 têtes sales, champouinées ou pouxitées lancèrent un « d'étonnement, suivi d'un « d'admiration. Sa petite voisine se présenta. « Moi, je m'appelle Narta. »« Comme les déodorants ?» demanda Jean-Bébé. « Oui, je devais m'appeler Martha, mais le type de l'état civil s'est trompé. » Jean-Bébé jeta un coup d'œil circulaire dans sa classe et se demanda si la petite Clémentine était contente de son prénom. Il en profita pour faire la connaissance de ses copines, Myrtille, Mirabelle, Pomme et Prune, et se demanda si leurs parents aimaient les salades de fruits. « Baby John, si tu veux, on peut jouer ensemble à la récré », proposa Narta. « Oui, merci, je ne comprends pas très bien », ajouta-t-il avec l'accent anglais d'une vache espagnole. « Elle est quand même bizarre de t'avoir appelé Jean-Bébé, la maîtresse. Elle ne doit pas parler anglais, » s'étonna Narta. « Désolé-moi pas te comprendre, sorry. What time is your name ?» Jean-Bébé fila se réfugier aux toilettes. Il compta les carreaux et en plissant les yeux, il revit le demi-visage de Laurette n'a qu'un œil qui lui avait prédit bien des soucis. « Mais pourquoi m'ont-ils appelé comme ça ?» pesta Jean-Bébé, en redoutant que ses parents viennent le chercher à la sortie. Youhou, Jean-Bébé, je t'ai pris un pain au chocolat, hurla sa maman devant tout le monde. Baby John love les pains de le chocolat, dit-il avec un délicieux accent roumain. Narta courut se mettre du déodorant pour impressionner le jeune anglais et Jean-Bébé rentra chez lui. Avant de réviser sa leçon, il en donna une à ses parents. Vous ne m'appelez plus jamais Jean-Bébé en public, compris? Mais mon chéri, c'est ton prénom, comment veux-tu qu'on t'appelle? Baby John. « Comme tu veux, Baby John !» accepta son papa qui ne pouvait rien lui refuser. Baby John content, se félicita Jean Bébé. Seulement dans la nuit, Baby John eut faim. Baby John pas content, annonça-t-il à ses parents. Baby John veut sugar. Sucre, si vous pas comprendre moi. Non mais t'as vu l'heure, et puis c'est quoi cette façon de parler, rétorqua son papa. C'est dans l'anglais ? Ce n'est pas très anglais de réveiller les gens à cette heure-ci. File dans ta chambre, Baby John, ordonna sa maman. Si Jean-Bébé pouvait tout se permettre, Baby John n'avait pas cette chance. Jean-Bébé le comprenait et ses parents aussi. Jean-Bébé veut un gros chocolat là ? Demanda son papa au petit déjeuner. Oui, merci. Ah, ça c'est mon gros bébé. Ça c'est mon Jean-Bébé, soupira d'aise sa maman. Oui, ça c'est un bon fufu, ça son pépère. Pas comme le méchant Baby John. Le vilain pas beau, enfonça son papa. Jean-Bébé traîna des pieds jusqu'à son cartable et comprit le choix qui s'offrait à lui. Aucun. S'il voulait qu'on continue à lui servir de bon chocolat là dans son bobole, il devait garder son prénom. Jean-Bébé pris au piège, soupira-t-il. Mais à l'école, tout le monde le connaissait sous le nom de Baby John. Dis, Baby John, tu connais les Beatles ? Demanda Clémentine. Et les Rolling Stones ? Ajouta Myrtille. Et le prince Charles ? Demanda Prune. Et la reine d'Angleterre ? Fit Mirabelle. Dis donc, les sœurs Pompot, vous allez me lâcher la grappe, hein, faut que je réfléchisse. Tu parles français ? Demanda Narta qui passait par là. Moi ? Non. Pourquoi ? Et toi ? Pour se rattraper, il proposa de l'inviter chez lui. Il y avait toujours de délicieuses choses à manger. Des brioches à la praline, des croissants fourrés au chocolat, des cookies et du jus d'orange frais. Hello, c'est moi Baby John, dit Jean-Bébé. Baby John, si tu veux un goûter, t'as qu'à aller te le chercher, dit sa maman. Sorry, Nata, j'ai une affaire à régler. Baby John prit ses parents à part, mais ils demeurèrent intraitables. Mange ta main si tu as faim, vilain bébé. Finalement, la maman de Jean-Bébé eut pitié et déposa un pudding devant son invité. Il était mou, marron et moche. Il flottait comme un sous-marin prêt à couler dans une crème anglaise. « C'est le dessert préféré de Baby John », expliqua la maman. « Oh, la honte !» souffla Jean-Bébé. « Et maintenant, Baby John, révisons ensemble tes verbes irréguliers », proposa le papa. « C'est quoi ça ?» demanda Baby John. « Ça fait peur, » dit Narta. To beat, beat, beaten. Begin, began, begun. Assez, dit Jean-Bébé. Jean-Bébé pas content. Jean-Bébé très fâché. Jean-Bébé très colère. Ses parents étaient ravis de le retrouver en pleine forme. Ah, ça fait plaisir de revoir notre petit plein d'énergie, dit la maman. J'exige de la brioche ou je casse tout dans cette baraque. Dis donc, il fait vachement de progrès en français, s'étonna Narta. Oui, c'est fou l'effet que tu lui fais, Narta, dit sa maman. Jean-Bébé était tellement fâché qu'il oubliait complètement d'être Baby John. « Qu'on m'apporte des chaussons aux pommes, des gaufres et des crêpes et que ça saute !»« Oui, mon bébé, » dit sa maman. « Tout de suite, mon chéri, » dit son papa. Alors Narta comprit que Jean-Bébé et Baby John ne faisaient qu'un. Et le Jean-Bébé colérique ne lui plaisait guère. Elle lança à Baby John dans un anglais approximatif « You betrave me ». Nul besoin de traduire, Jean-Bébé comprit. « Tu m'as trahi. » Voilà ce qu'elle disait. Une fois parti, Jean-Bébé tapa des pieds et des mains de rage et de colère. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, Laurette n'a qu'un œil, passa un orteil dans la maison. Je viens de croiser dans l'escalier une petite fille pas contente du tout. Il paraît que Jean-Bébé ment à ses camarades. Oh, le vilain pas beau. Je n'ai plus qu'à m'appeler Jean-Patrick et partir pour l'Amérique, pensa Jean-Bébé. Il hésita à prendre le premier bateau. Mais il voulait parler à Narta une dernière fois pour lui expliquer que Jean-Bébé, c'était trop. Que ce n'était pas de sa faute, mais celle de ses parents qui avaient voulu se venger car sa maman s'appelait Belle et son papa, Sébastien. Narta l'attendait devant l'école avec la bande de salade de fruits, prête à lui jeter tous les noyaux du monde. « Alors c'est vrai que t'es un gros bébé, Jean-Bébé ?» demanda Myrtille. « Et même un bébé tout petit, » dit Clémentine. « Oui, un bébé nain, » conclut Mirabelle. Narta n'eut pas besoin de déodorant. Elle ne transpira pas une seconde pour dire « Lui, Jean-Bébé ? Vous plaisantez ? C'est Baby John ?» Alors Jean-Bébé comprit qu'il serait toujours le Jean-Bébé de son papa et sa maman, mais également le Baby John de sa Narta. Et ce jour-là, les deux n'avaient qu'une seule chose à dire. Jean-Bébé très content, Baby John aussi. Et voilà. l'histoire est finie. Et maintenant, au lit. Non, une autre. Oui.